بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. 40e leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 76. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. سلو معاوية رضي الله عنه que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'œil yani est comme un bouchon, on va dire, pour l'anus. Et que si les yeux dorment, alors l'anus, yani, on va dire qu'il n'y a plus de bouchon. Il y a comme ça. Il n'y a plus rien qui empêche de sortir. Rapporté par Ahmed et Tabarani, qui lui-même a rajouté, et qui dort alors qu'il fasse l'eau d'eau. Qu'il refasse l'eau d'eau. Et cet ajout dans le hadith, et chez Abu Daoud, le hadith de Ali, sans la parole, il n'y a plus de bouchon. Et dans les deux isnads, il y a une faiblesse. Donc le hadith est daif. Quoi qu'il en soit, il dit que ces deux hadiths, on profite quand même du jugement qui lui-même reste valide, qui est que le sommeil est un enquête de l'eau d'eau. Le fait de dormir est un enquête de l'eau d'eau. Donc il dit, en précisant bien, à ça qu'il a fait comparer dans ce hadith, l'anus, c'est-à-dire à ça, avec une forme de siqa, c'est un abreuvoir, une chose qui s'abreuve. Et que les deux yeux ont été comparés à un wikah, et un wikah c'est plutôt une gourde, on va dire, une gourde, mais à l'ancienne en cuir, que le bout est fermé par un lien, par un lacet, par un fil, en fait, plutôt que dire bouchon. On dira comme ça, par rapport à l'époque, par rapport au moyen de l'époque. Vous voyez, une forme de gourde en peau, mathalène, et pour la fermer, il faudrait que tu fasses un nœud en haut. Donc, si les deux yeux dorment, c'est comme si tu avais défait le nœud. Si les deux yeux dorment, c'est comme si tu avais défait le nœud. C'est-à-dire que si jamais les yeux se mettent à dormir, il n'y a plus rien qui fasse obstacle à ce qui pourrait sortir de ton anus, comme gaz ou autre. Bien que les deux hadiths soient faibles, le jugement lui reste effectif. Que le sommeil est un enquête de l'eau. Et quel sommeil on a dit? Sommeil al-amiq, al-thaqil, al-haqiqi, et non pas la somnolence, le vrai sommeil. بعد هذا قال الحديث 77 ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام متجعا وفي إسناده ضعف أيضا. Pour Abu Daoud, apporté par Abu Daoud selon ibn Abbas رضي الله عنه مرفوعا, c'est-à-dire qu'il remonte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'wudu n'est pour que celui qui a dormi allongé. Et également son isnad comporte une faiblesse. Donc on a dit, cela ne change rien. Que tu sois allongé ou assis ou autre, la plus des choses la plus importante n'est pas la position, mais le sommeil en soi. Tout comme tu peux avoir un sommeil en étant assis. On a cité déjà le khilaf dans la mas'ala. Et le qol rajih, c'est tout sommeil, à partir du moment où tu as, le sommeil t'a pris, un vrai sommeil, un sommeil profond, que tu étais assis, ou appuyé, ou allongé, ou autre, ça annule ton ouzou. Naam. Donc il finit après par 4 ahadith, allons tous dans le même sens. Fil hadithi, الثامن وسبعين وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخير إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلينصرف حتى يسمع الصوت أو يجد ريحة أخرجه البزار وفي الحديث 79 وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد وثمانين ولمسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه وفي 81 وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبته وأخرجه ابن حبان باللفظ فليقل في نفسه donc le premier hadith il est صحيح بشواهده سيد بن عباس طيب فائدة مما أخذنا في دروس مع الشيخ عبد الرزاق c'est quoi la différence entre le mutaba'a ou l'istishhad le shahid dans un hadith le mutaba'a ou le shawahid c'est quoi la différence le mutaba'a il y a de l'isnad ou le shahid il y a de l'al-mat le shahid il y a le mutaba'a ce qu'on appelle un suivi c'est ce qui est lié comme tu as dit à certaines personnes dans le sanad et également sahabi. Également sahabi. Le hadith est le même, mais il y a un changement dans le sanad. Par contre, le shahid, c'est un autre hadith qui vient avec le même sens. C'est un autre sanad, un autre sahabi qui apporte le matn, et le matn, il a un sens similaire à l'autre hadith, mais avec un autre love, avec d'autres termes. Mais le sens, c'est le même. Adam. Donc le shahid, c'est-à-dire que l'autre, c'est un témoin et témoin de l'autre. Un mutaba'a, c'est, on va dire, c'est le même hadith, mais avec d'autres asanides. Et dans les asanides, il y a différence dans les narrateurs, peut-être même le sahabi. Naam. Taïeb. Et avec le mutaba'a et les shawahid, un hadith d'aïf peut devenir hassan. Hassan, il devient hassan bidatihi, quand? Quand est-ce qu'il est Hassan Bidati, c'est-à-dire Hassan en lui-même? Quand l'un des narrateurs a on va dire une précision moins forte qu'un Thika. C'est-à-dire il est adl, il est juste, mais sa précision est moins minutieuse que celle d'un Thika. Donc là c'est un Hassan Bidati. Hassan Ghayrihi, Hassan par autre que lui. C'est quand ça? C'est quand il y a un Daif de Khadabt, c'est un Daif de Khadabt. En fait, c'est quand il y a différents trucs. C'est lorsqu'il a une faiblesse qui n'est pas trop grosse, c'est-à-dire c'est pas Shadid al-Dorf, qu'il y a d'autres hadiths qui l'appuient. Même si eux-mêmes ils ont des Dorf, ce Dorf n'est pas Shadid, par exemple, il y a des Mutaba'a, des Shawahid, il devient Hassan al-Ghayrihi. Donc c'est pas ton hadith d'aïf qui automatiquement est rejeté. Il faut regarder les Shawahid, les Mutaba'a et d'autres Qara'id, d'autres indices. Non, ça c'est encore le mustalah. Bab al-fa'ida faqat. Donc, Taïb, dans le hadith d'Ibn Abbas, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Shaitan vient à l'un d'entre vous lors de sa salat. Alors il souffle dans son anus et lui fait croire qu'il a eu des gaz. Alors que cela ne s'est pas produit. Donc s'il trouve cela en lui, qu'il ressent cela en lui, qu'il ne sorte pas, toi qui n'entends pas de bruit, qu'il ne sente pas d'odeur. Akhrajou al-Bazar. Donc ça vient au hadith d'Abi Huraira qu'on a écrit au début. Donc, Al-Yaqin, La Yazul Bil-Shak. Et le hadith également, son origine, est dans Sahihain, dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd. Et également dans, chez Muslim, sur Abu Huraira, comme on l'a pris auparavant. Et le 80e hadith, rapporté par Al-Hakim, sur Abi Sa'id, Marfou'an, qui dit que si Shaitan vient à l'un d'entre vous et lui dit, certes, tu as perdu tes ablutions, qu'il lui dise, tu as menti. Et également rapporté par Ibn Hibban avec le terme qui dit cela en lui-même. فليقول في نفسه. Et ce hadith-là, il est faible. Quoi qu'il en soit, leur sens, il est appuyé par les hadiths en Sahihayn. Hadith d'Abu Huraira et de Abdullah ibn Zayd. Non. Tu parles du dernier lobs ? فليقول في نفسه. C'est ça qui est sévère ? Hum. Mais c'est le hadith en entier. Il n'y a pas écrit pour le hadith en entier. Lui, c'est Akhrajou ibn Hibban. Je crois que c'est tout ça, vient au tout ça. Allah alam. Dans le Takhrij, il met Da'if après le point 5, qui lui vient à la suite du Lovz, mais également il dit apporté par le Hakim. Et le Hakim, c'est lui qui a apporté le hadith de Abu Saïd, là, la combien de lire. Il y a dit un numéro 4, numéro 4, il écrit juste Akhrajou Hakim ibn Hibban. Et dans le 5, le point 5, qui est le dernier Lovz de ibn Hibban, il a écrit également le Hakim ibn Hibban. Quoi qu'il en soit, le sens, il est réel. Quoi qu'il en soit, le sens est réel. Taïb. Donc, il dit, Fa'ilatul ahadith et mutaqaddimati. Donc, on profite de ces ahadiths, la règle de fiqh que l'on a pris, la grande règle qui est que la certitude ne cesse pas par le doute. Et comme on l'a dit, on l'a pris dans le hadith de Abi Huraira. Numéro 67. Et ces hadiths également sont un enseignement de prendre garde aux wasawis, aux insufflations que l'on pourrait avoir pas fréquemment, qu'on s'imagine des choses qui n'ont pas eu lieu, ce qui nous perturbe dans nos adorations. Ça peut arriver dans le dos, ça peut arriver dans la salade, dans plein de trucs. À tel point que le waswas peut t'amener carrément à délaisser l'adoration. Des gens, des fois, ont des wasawis et ils passent un temps inconsidérable dans le hammam à faire l'odo. Ou qu'il oublie de faire cela. Ou qu'il oublie de faire cela. Qu'il oublie de laver son pied. Qu'il oublie de l'amendement. Il a tout fait. À chaque fois, il a un wes-wes. Il recommence, recommence. À tel point qu'il rate un salat. Il est encore dans le hammam en train de faire l'odo. Et les gens ont fait de faire salat. Les wasawis. Ou d'autres, ils sont là en train de faire la salat. Ils s'imaginent que, par exemple, ils ont eu des gaz. Alors qu'ils n'ont rien eu. C'est pour ça qu'on te dit, si tu n'as pas entendu de bruit et que tu n'as pas senti d'odeur, tu continues. Mais comme on a dit, parfois on sait qu'il y a des gaz qui arrivent. Tu es sûr que tu en as eu. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit, mais tu sais que tu as eu un gaz, pour de vrai. Ça arrive aussi. Mais ça, tu en es sûr et certain, c'est le yakin. C'est pas un doute. Là, on parle de doute. Hein? Donc si tu doutes d'une chose, reste sur la base qui est la certitude. Taïeb. Après, il dit Fasloun, fi ba'd ma dhukira min nawaqid al-wudu lam yadhkurhu al-hafiz. Donc là, certaines choses. Parmi les choses qui ont été citées comme étant un type de l'odo, que le Hafiz n'a pas cité dans son livre, le Boulour. Awalet. Aklu ma massathu ad-naru. Le fait de manger une chose qui était touchée par le feu. Dans Sahih Muslim, c'est venu, sur la Bourira, et Aïcha également, Ibn Ibn Thabit, radiallahu anhum, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'allait. Tawadda'u mimma massat an-naru. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites l'odo de ce qui était touché par le feu. Également, un autre hadith est venu dans Sahihain, par Ibn Abbas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mangé une épaule de brebis, ensuite a fait la salat et n'a pas refait l'odo. Et un hadith dans le même sens rapporté par Maimouna et par Amr ibn Umayya ad-Damri. Donc il dit Bakr ibn Mundhir dans le Rousat que les compagnons du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont divergé après lui par rapport à l'odo par une chose qui était touchée par le feu. Parmi les sahaba qui voient qu'il faut faire l'odo, il y a Abdullah ibn Amr, Abu Talha, et Anas, et Abu Moussa al-Ash'ari, et Aïcha, et Zayd ibn Thabit, et Abu Huraira. Et نعم. Et apporter également des paroles de certains tabi'in qui ont eu la même parole. Et d'autres, parmi eux, voient que cela n'applique pas de refaire le dos. Et parmi eux, il y a Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, et Abdullah ibn Mas'ud, et Abu Darda, ibn Abbas, et Amir ibn Rabi'a, et Abu Umama al-Bahili, et Ubay ibn Ka'b. Hormis que dans le hadith, dans le affaire de Ali d'Abi Darda, il y a une faiblesse. Mais tout le reste, c'est thabit. C'est authentique. Mais par la suite, Shafi'i et Ahmed et Ishaq et les Hanafiyah, ou plutôt Ibn Mundhir, c'est Ibn Mundhir qui dit toujours cela, qui ne connaît pas parmi, à ce jour, parmi les gens de science, une divergence quant au fait que l'eau d'eau de ce qui est touché par le feu, d'avoir mangé une chose qui était touché par le feu, il dit je ne connais plus de khilaf là-dessus. Ils sont tous unanimes. Que ce jugement n'est plus effectif. Qu'alors qu'il est, le monde il dit je ne peux trouver de khilaf entre les gens de science sur cette question. D'accord ? À part ce qui a été la viande de chameau. À part la viande de chameau. Et Nawawi dans Charles de Muslim, il dit quoi ? Également par avoir cité le même khilaf, la même divergence. Il a dit que cette divergence a eu lieu auparavant, en première période. Ensuite, les ulama se sont réunis, sont devenus unanimes sur le fait qu'il n'est pas obligatoire de faire l'ozo, une chose, d'avoir consommé une chose qui a été touchée par le feu. Également, Ibn Qudama dans le Mourani, il dit « La na'lamu al-yawma fihi khilafan » À ce jour, nous ne connaissons aucune divergence. Par contre, Ibn Qudama, il cite un hadith, mais il n'y a pas la référence. Qui dit que c'est ceux qui voient qu'il n'y a plus d'eau à faire par rapport à ça. C'est lorsque dans le hadith de Al-Bara, un des Nabi sallallahu alayhi wa sallam, su'ila an wudu'i min nuhum al-ghanam. Qala la tawadda'u minha. Qu'il est interrogé sur le fait de faire l'eau d'eau après avoir mangé de la viande, de la chair de mouton. Il dit, n'en faites pas l'eau d'eau. Et bien évidemment, cette chair n'a pas été mangée crue. D'accord ? Cette chair n'a pas été mangée crue. Donc après, c'était deux paroles de ulama qui voient que également qu'il n'y a pas de khilaf. Et certains ont pris comme argument l'ijma' des khulafa rachidin. Ils ont pris l'unanimité des quatre califes qui sont Abu Bakr et Omar et Othman et Ali. Bien qu'on a dit que le hadith de Ali n'est pas authentique. Donc c'est basé sur le hadith Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashid al-mahdi. Accrochez-vous ma sunna, la sunna des quatre califes bien guidés. Mais comme on a appris, c'est que la sunna des quatre califes bien guidés, c'est ce qui correspond à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, elle correspond. Mais en soi, toute seule, elle n'est pas un argument. L'argument n'est que dans le Coran et la sunna. D'accord ? L'argument n'est que dans le Coran, dans la sunna authentique. Et dans le qiyas authentique. Et l'ijma, avant cela. L'ijma. Mais quand on dit ijma, c'est qui ? Ijma, mujtahidi, hadil umma, ba'd, wafat et nabi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'unanimité des mujtahidin, de cette communauté, après la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il se peut que les quatre califes soient sur un point. Si un autre sahabi les contredit, il n'y a pas d'ijma. Il se peut qu'ils aient raison les quatre, tu vois, mais ça ne veut pas un ijma. À partir du moment où il y en a un seul qui n'est pas d'accord parmi les gens considérés dans la science, il n'y a pas d'ijma. Contrairement à ce qu'avait dit Tabarani et Ibn Jarir, on avait pris Ibn Jarir, il voit que si un seul Talib s'oppose ou deux ou quoi, il voit que la parole n'est pas considérée, mais cette parole-là n'est pas authentique, du moins elle n'est pas correcte, et ça part. À partir du moment où un seul من المعتبر المجتهدين من هذه الأمة خالف الإجماع فالإجماع سقط il y a peu d'ijma. Donc ça c'était le premier point. Donc ce qui est touché par le feu actuellement, d'accord, c'est comme s'il avait été abrogé. Et on en avait parlé déjà dans le sujet de la viande de chameau, que l'interdiction, que le fait de faire l'eau de la viande de chameau est arrivé après l'interdiction, plutôt le fait de faire l'ouzou après avoir mangé des choses qui étaient en contact avec le feu. Certains ont vu que c'était le jugement de l'abrogeur d'abroger. Ainsi de suite. Deuxième point, il dit Ridda an al-islami, l'apostasie, wa li'adhu billah, le fait d'apostasier. Tamam. L'imam Ahmed voit que l'apostasie, Ridda, fait partie des annulatifs de l'islam. Le qawlihi ta'ala, la'in ashrakta layahbatanna amaluk, que si jamais tu associes, tes œuvres seront annulées. Le qawlihi ta'ala, wa man yakfur bil iman faqad habita amalu, et celui qui mécroit après avoir eu la foi, ses œuvres sont annulées. Et d'autres ulama, comme Malik, Shafi'i et les Hanafiya, voient que cela n'annule pas l'oudou. Et il parle, cite une parole de Nawawi qui voit que l'ensemble des savants, on va dire l'ensemble, quand je dis l'ensemble, c'est la plupart des savants. Ça ne veut pas dire tous. Jumhur. Qui voit que la base, c'est la purification, donc elle ne peut s'annuler si ce n'est avec une chose sûre. Avec un dalil. Donc il cite une parole de Ibn Hazm qu'il dit, qui n'est venu ni dans le Coran, ni dans la Sunna authentique, ni même non authentique, c'est-à-dire hadith faible ou quoi, ni d'ijma', ni même de qiyas, disant que l'apostasie est une chose qui annule l'odo. Il n'y a rien, il n'y a pas un texte, même dans ce qui a été faible, il n'y a rien qui apporte cela. Et il dit que ceux-là, ceux qui voient la c'est avec le contraire, ils sont même avec nous sur le fait que l'apostasie n'annule pas, par exemple, le rousse de Janaba, celui qui a eu des rapports, par exemple, qui sont rousse de Janaba, s'il apostasie, il ne redevient pas en Janaba. Il ne revient pas en impureté majeure. Donc, comment la mineure? Ça et ça, c'est pareil. Également, une femme qui a eu le haïd, qui a eu ses menstrues, c'est-à-dire, elle s'est lavée, s'est purifiée, et après, elle a apostasié. Est-ce qu'elle redevient le hal ou l'été avec ses menstrues? Non. Quand même. Et ça dit différents exemples. Et à savoir que Ibn Hazm, le qiyas, il ne voyait pas comme on l'a pris. L'analogie, il ne voyait pas lui. Mutlaqan. Il n'était pas d'avis de voir le qiyas. Alors que le qiyas, il a une origine, mais il faut prendre le qiyas qui est authentique. Il faut le juste milieu. T'en as, ils étaient trop loin. T'en as, ils l'ont renié totalement. Et t'en as, ils l'ont mis à sa juste valeur. Et comme il l'avait dit Shamokbil, le qiyas qui est basé sur des règles basées sur la déduction, Shamokbil ne le rend pas haram. C'était là dans le vers, au fond. Il avait dit, cher Fat, il a dit que Shamokbil, certaines personnes disent que Shamokbil, il ne voit pas le qiyas. Il a dit ça, c'est pas vrai. Il voit le qiyas. Cependant, il ne voit pas le qiyas. Il ne voit pas que l'on impose qu'un alim, il a dit quoi? Qu'il ne rend pas illicite un alim de faire un ijtihad et de faire un qiyas. D'accord? Cependant, lui dit que ce alim ne peut pas imposer aux gens un jugement légiféré par rapport à ce qiyas. Tu peux pas. Tu peux pas imposer aux gens et dire c'est ça, celui qui a pas fait ça, il y a combien de péchés ou ce genre de choses. Tu peux pas faire ça. Toi, tu as fait ton ijtihad, tu as vu la chose, ça y est. Cependant, après, c'est une chose qui est déduction. Tu n'as pas de dalil clair, tu n'as pas un texte avec toi pour pouvoir imposer aux gens ce jugement. Si des gens le prennent, ils le prennent. Mais toi, par rapport à ça, tu ne peux dire c'est comme ça. Comme par exemple quelqu'un qui dit Mathalène, demain, quelqu'un il vient, il dit il a eu des rapports avec sa femme, après il a fait salat, alors qu'il avait de l'eau, il n'était pas malade, il a fait salat. Il va voir Alim. Le Alim, il dit non, ça c'est le Batila. Ben, ce Alim-là, il peut imposer la personne. Parce qu'il sait que celui qui a fait, qui est en Janaba, hein, à la base, que Allah n'accepte le salat d'aucun d'entre vous, s'il a eu un hadith, ashar, jusqu'à ce qu'il fasse le dos. Alors que dire du akbar? On a pris l'adillah déjà. Donc là, il y a des preuves qui disent, tu dois faire le rousl. Tant que tu n'as pas fait le rousl, ta salat, elle est batila, elle n'est pas acceptée. Il peut l'imposer. Quand il l'impose, c'est-à-dire, il dit à la personne, c'est comme ça, pour autrement. Mais avec le qiyas, il ne peut pas faire comme ça. Un qiyas basé sur la déduction de ce alim, il ne peut pas dire, c'est comme ça, et pour autrement. Lui, il blâme celui qui impose aux gens. comme s'il avait un jugement avec lui, Shal'i, avec un dalil. Il n'a pas de dalil dans ce que tu dis. C'est un ijtihad que tu as fait. Voyez, sur une déduction. Cette déduction, plein de personnes peuvent ne pas être d'accord avec toi. Donc tu ne peux l'imposer aux gens. Tu peux l'exposer, mais ne pas l'imposer. En fait. Donc ça, Shamoubi les blâmait. Sinon, les vrais qiyas, il en faisait. Il a des fatwas, il y a des qiyas. Quand même, mais un qiyas qui est basé sur des textes. Clair. Mais lui, il blâmait les gens qu'elle est trop long dans le qiyas. Trop. Toutes choses qiyas. On dit non, cherche dans les textes. Vraiment autant que tu peux. Tu vois? Et voilà. Donc, il dit, en répondant au verset cité auparavant, ça c'est pour celui qui est mort sur le kufr et non celui qui est revenu sur l'islam. En citant la parole d'Allah, وَمَا دِيَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَوَا كَافِرُونَ فَأُولَيْكَ حَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ. Que celui qui apostasie d'entre vous de sa religion, puis qui meurt en étant mécréant, alors celui-là, ses œuvres sont annulées. Car on a dit, celui qui apostasie, qui est musulman, qui apostasie, d'accord, après fait tawba et revient à l'islam, ses œuvres restent. Auparavant, les œuvres sont annulées pour celui qui aura mécru et qui sera mort sur cette mécréance. Regardez, on l'a pris dans le hadith il n'y a pas longtemps de Hakim ibn Hizam, Nabi Salam, quand il lui a dit, voyais-tu comme ce que je disais comme sadaka auparavant et comme entretien du lien de parenté, il dit, aslamta à la base à la femme de l'Ekhaï. Tu t'es converti, ce qui a été passé comme bien auparavant, c'est-à-dire tes actions, tes œuvres de bien d'auparavant, reste avec toi, c'est toujours compté. Hein? Donc ça n'annule pas l'odo également. Donc ça c'est la réponse de la plupart des savants. Cependant, Sheikh Mouhizem lui voit que ça annule l'odo. Car elle dit que celui qui est mécréant, qui se convertit à l'islam, doit faire le roussel. Comme cela va venir dans le même du roussel, Inch'Allah. Donc lui il voit que la ridda, ça annule l'odo. Il voit que la rida c'est du lodo, ça c'est son avis, et c'est également l'avis de Cheikh Ben Baz et de Cheikh Al-Othaymin. Après il finit. Troisième point, rutubatu farji al-mar'ati. On va dire l'humidité contenue dans le vagin de la femme. On parle pas du mazi. Voyez, on parle de ce côté humide que la femme elle a en elle. Est-ce que cette chose-là a du lodo? On en avait parlé déjà, également. Voyez. Donc, Cheikh Al-Othaymin, il dit, est-ce que cela annule l'odo? Tout ce qui sort par les canaux, on va dire tout ce qui est les sorties urinaires, d'où passant l'urine, cela annule l'odo. Donc, il voit que la plupart des savants voient que cela annule l'odo. Ibn Hazm, il voit que ça annule pas l'odo, car cela n'est pas de l'urine, ni du mani. Et que ce n'est pas de l'urine, ni du sperme. Parce que le sperme, en soi, implique le grand lavage, le rousse, on l'a dit. Donc il dit, celui qui voit que cela annule l'odo, qu'il amène une preuve. Il dit, c'est comme toutes les choses qui seraient de la partie, je sais pas comment on dirait ça. Ça s'est considéré comme étant, comme des excédents du corps humain. Des choses qui viennent du corps humain. Il a dit, cette humidité, en fait, elle se forme dans le vagin en soi. Elle ne vient pas par par quoi vient l'urine, ou même le mani ou autre. C'est une chose qui se forme à l'intérieur du vagin. Donc lui, il dit que ça n'annule pas l'odo. Par contre, il dit, je crois qu'il parle de Cheikh Al-Othaymin, là, parce que son calème n'est pas clair. Il dit que le fait que l'odo soit annulé est plus facile à dire que de dire que cette humidité est une danger à ça. Parce que c'est pas toute. Tout ce qui sort, qui est du lodo, qui est déjà ça. Par exemple, le mani, le sperme, c'est pas le déjà ça. Mais s'il sort, tu dois refaire le rosl. Mathalan. Dormir n'est pas le déjà ça. Le sommeil. Mais si tu dors, tu dois refaire l'odo. La viande de chameau n'est pas le déjà ça. Mais si tu la manges, de refaire l'odo. Donc attention, c'est pas tout ce qui est dans de l'odo, c'est déjà ça. Quand même, ce n'est pas tout ce qui est dans de l'odo qui est déjà ça. Faire attention à ça. Donc au final, Cheikh Al-Othaymin, je pense que c'est Cheikh Al-Othaymin, on dit pas. Il dit que si jamais cette humidité est continue, elle prend le jugement de celui qui a une continence urinaire. D'accord ? C'est-à-dire que la femme doit faire l'ozo avant chaque salat. À chaque fois qu'elle fait la salat, elle doit refaire l'ozo. Là, c'est Sheikh Othaymine. Il dit ça. Et si par contre, elle n'est pas continue, elle vient périodiquement, comme ça. D'accord ? Alors là, c'est comme les autres personnes normales, comme si elle a poil, elle voit que c'est comme quelqu'un, par exemple, qui a uriné. Elle fait l'ozo, elle fait la salat. Ou même après, si elle veut. En tout cas, celui qui a celle-ci, le bol, lui fait la salat, l'ozo avant la salat. Si jamais il a fait un quart d'heure avant la salat, grâce à tel arrive, faut qu'il refasse l'ozo. Pourquoi ? Entre temps, il a l'urine qui est sortie. Donc il a fait l'ozo au dernier moment. Elle, c'est pareil, au dernier moment, elle le fait. Et après, c'était une parole de Cheikh Ben Baz, dans son Majmou al-Fatawa, qui c'était une parole similaire. Que si jamais cette humidité, elle est continue, elle doit refaire l'ozo. Juste avant la salat. Comme le moustahar, dans ça qu'il y a des pertes de sang. Ça même. Et également celui qui a une continence urinaire. Et si jamais elle vient de temps à autre, périodiquement comme on l'a dit, son jugement est comme le jugement de l'urine. Elle le fait au moment où elle veut sa salat, son ozon. Ça même. Et pour finir, il a dit quoi ? Que toute chose qui sort du sexe, cela est une chose qui annule l'ozon. Pour l'homme, pour la femme. Avec des chamans de baisse. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Shir lui voit que le moustahar, non, ça n'annule pas l'odo. Et alors, maintenant, il finit avec cette parole-là de Shir Ben Bez, Shir Othaymine. Comme s'il l'appuyait. Là, c'est pas clair. Eux, pour eux, les pertes de sang, ça annule l'odo. Tu vois. Mais Shir et Buhizem, dans ce qu'on avait vu, ils voyaient que ça n'annulait pas l'odo. Par rapport au hadith. Vous voyez, quand la Fumar Tassili, on a pris le hadith, fais ton roussel. Et après, tu fais la salat. Donc, Allahu A'lam. Et moi, c'est ce que je connais également, qu'on a appris tout ce qui sort à la base, par exemple des sabilaïdes, c'est-à-dire de l'anus ou des sexes, ça annule l'odo. Qu'il s'agit de najasa ou pas. À la colline, ça c'est les trois points dont il n'y a pas eu de question dans le boulour, qui sont ce qui est touché par le feu. Ça c'est, on dit, le jugement il est fini. Ridda, Shir Ibn Hizam lui voit que ça annule l'odo. Personnellement, je ne suis pas convaincu de cet avis-là. Je suis plus, comme il dit Ibn Hazm, ça me paraît plus proche de la vérité, Wallah A'lam. Et après, troisième chose, cette humidité présente dans le vagin de la femme. Je ne sais pas si c'est un nom pas particulier, je ne sais pas. Dans tout, les femmes, les savent écouter le dire, ça veut dire, mais c'est quelle humidité dont ils parlent, tu vois. S'ils connaissent le nom, qu'ils me le disent, ça sera plus facile pour elles de savoir de quoi on parle. Je ne connais pas le siamé, il y a un mot spécial en français. Là, il dit Rutuba, en arabe. Rutuba, c'est humidité. Une chose humide. En arabe, rutuba, c'est humidité, une chose humide. Maintenant, si en français, c'est un nom spécial, comme par exemple, celle-ci, le bol, on a dit, c'est un nom spécial en français, c'est la continence urinaire. Elle m'a dit, on a trouvé que c'était quoi ? Le liquide prostatique, ainsi de suite. Maintenant, si c'est rutuba, ils ont un nom, et que les sœurs connaissent bien ce nom-là, après, elles savent de quoi on parle, fallait au fil de nana, qu'elles nous fassent profiter. Sinon, moi, je traduis là de l'arabe. Voilà. Ma foi ma hada. Fait la ouna. Wa bi fadlillah kammelna. Babou, n'a pas qu'à dire le mot. Walhamdulillah, Rabbil alamin.